Un motel au bout de la nuit, où ça commence une vie, où ça commence. Un motel au bout de la nuit, le bled s'appelait Kissimmee. Quand t'as demandé une chambre pour deux, il a voulu voir nos papiers. On était majeurs tous les deux, mais on faisait pas majorité. Ton anglais à toi était mieux, méfiant il t'a donné des clés. Un motel au bout de la nuit, où ça commence une vie, où ça commence. Un motel au bout de la nuit, le bled s'appelait Kissimmee. En robe mini et en bottes bleues, tu ressemblais à une poupée. On s'est mis au lit tous les deux, trop forte la clim, j'étais glacé. Ton amour à toi était mieux, confiant je t'ai laissé des clés. Un motel au bout de la nuit, où ça commence une vie, où ça commence. Un motel au bout de la nuit, le bled s'appelait Kissimmee. Le bled s'appelait Kissimmee. On est allé dans une chapelle sur pilotis. Le pasteur nous a rappelé qu'un mariage c'était pour la vie. Je n'avais pas acheté les anneaux, là il a vu un signe dans mon. Un motel au bout de la nuit, où ça commence une vie, où ça finit. Un motel au bout de la nuit, le bled s'appelait Kissimmee. Le bled s'appelait Kissimmee.